me balade sur Paname, y'a du soleil, j'ai la banane. Un bédou à la main et sur mon nez, j'ai mes Ray-Ban. J'croise la femme en terrasse, j'ai mis mes dernières godasses. Aujourd'hui, chaud d'acier, il fait trop beau, le ciel est bleu. Tout le monde, il est sorti, j'demande un cœur, je vais faire pipi. On est fin juin, ça va partir, l'odeur de la mer qui nous attire. De façon, Vardion, ça quitte Belize. Et le 14, j'fais mes valises, les femmes préparent leur bikini. Et nous, nos techniques pour niquer. Cet été, ça va péter, même dans la mer, j'suis en croco. Dans l'eau comme un crocodile, j'guette ma proie, j'tape dans le mille. Celle-ci, c'était pas la bonne, elle était bonne, mais qu'elle est conne. J'continue ma balade avec mes potes, j'enchaîne les balles. Bienvenue en Espagne, sur toutes les côtes, c'est festival de Cannes. Le son fait mal au crâne, y'a les sudistes qui vendent la cam. Ce soir, on se barre en bas, tout le monde se prépare pour déboîter. Un budget illimité, mais limité à ma chepeau. Une dégaine de vacancier, j'ai mis mon dernier chapeau. Sur la piste, elle me guette fort, j'y vais direct au corps à corps. Celle-ci, elle est mignonne, et cette fois-ci, elle est pas conne. Et je lui invite son petit cocktail, c'est pas pareil, c'est pas la même. Idem pour sa copine, y'a mon poteau qui est déjà sur le fil. Ce soir, on se fait un film de cul, allez tous vous faire en les culs. Oups, j'deviens grossier, j'appelle la service pour masser. Oups, j'deviens grossier, j'appelle la service pour masser. J'ai la banane, j'suis en Espagne. Hier j'ai quitté Paname, j'ai la banane, j'suis en Espagne. Le petit joue plus en espoir, j'me balade, j'ai des billets. Zéro bol, j'ai charbonné. Un verre de chardonnay, si personne fait le gros bonnet. J'ai la banane, j'suis en Espagne. Hier j'ai quitté Paname, j'ai la banane, j'suis en Espagne. Le petit joue plus en espoir, j'me balade, j'ai des billets. Zéro bol, j'ai charbonné. Un verre de chardonnay, si personne fait le gros bonnet. On laisse la peau pour Paris, ce soir on se met sous Pérignon. C'est pas tout le monde qui va piner, mais tout le monde dépense du pognon. Moi, je n'ai pas peur, la meuf la bofle une fleur. Celle-ci c'est mon coup de cœur, je fais l'écart, donc elle écart, tu la courtises, elle me côtoie. Je m'étais promis de rester courtois, je suis désolé, mais je me permets. Parmi nous, pas d'hypocrite. Sous qui tu me balades, j'ai perdu mes camarades. On se retrouve chez le Camaro, là-bas je récupère du marron. Je tire une barre, tu deviens marrant. Je suis en vacances pour me marrer. Oli faire des trucs grossiers, mais le reste de l'année, je fais des grossistes. Entre deux joueurs du gros son, Bendero fait beaucoup de sous à la cité, je dis salut. Je suis en vacances, faut pas me saouler. Ton salaire, c'est mes souliers. Sérieusement, fous de les salir. Saluter mon soleil, hein, qu'on enchaîne les cocktails. Je suis en vacances, pas de costard. Dans ton Mac, j'suis en poster. Spontané, la posture, moi, je suis pas l'un de ces imposteurs. Vend les bleus, on s'estère, même en vacances, je les attire. Je me balade et je me ballonne. La prochaine, je suis à Bali, la Saint-Berbère, faire ma bébé. Je remonte chargé, je pète les barrages. Même en vacances, je reste les barreaux. Là, je suis bourré, je me balade. J'ai la banane, je suis en Espagne. Hier, j'ai quitté Paname. J'ai la banane, je suis en Espagne. Le petit joue plus en espoir. Je me balade, j'ai des billets. Zéro bol, j'ai charbonné. Un verre de chardonnay, si personne fait le gros bonnet. J'ai la banane, j'suis en Espagne. Hier j'ai quitté Paname, j'ai la banane, j'suis en Espagne. Le petit joue plus en espoir, j'me balade, j'ai des billets.